Hola, la música amb Rafael Corbí obre de nou les seves portes amb un nou espai. La música, la cançó que ens parla de música, és avui la que obre el nostre programa amb Lili Bonish, aquest personatge nascut al Alger el 1921 i que va morir a París el 2008. El nostre programa d'aquesta setmana l'iniciem amb aquesta cançó. Cantaré sempre, a tota hora, la música oriental. Lili Bonish, des de l'àlbum Alger, Alger del 1998. Benvinguts i benvingudes a Hola la Música. فرق شكون والقلب قد صار عندك وصارت لذيذ العيش من بعدكم حرق لي قلبي بالشوق رؤيتك لا خبركم ياتي ولا كتابكم نقرا راني في حيلة الصدور Je chanterai toujours la musique orientale et pour m'arrêter ma zèle l'hal depuis l'âge de 10 ans ce n'est déjà pas mal que je chante et c'est bien normal en Algérie le pays où je suis né tous les grands chiots اللي علموني شيخ الساسي والليلي العباسية وسعود الوهراني تاني Il n'y avait pas de blond Fallait pas rigoler Pour un oui, pour un non Ça dégainait Il n'y avait pas de pardon Quand quand j'étais à l'école, je n'ai pas eu le bac, mais j'avais plus qu'un tour dans mon sac. Je chanterai toujours la musique orientale et pour m'arrêter, Benzel del Hal. Depuis l'âge de 10 ans, ce n'est déjà pas mal que je chante et c'est bien normal. En Algérie, le pays où je suis né, où les grands chouks, les albounets, j'ai fait sa où l'île a passé, où ça de Loire. Il faut bien s'y faire. J'ai essayé de fredonner leurs airs au son de la Traviata, Travabre le Batata. Ça ne vaut pas une petite hata. Bel Boukha ou le Kimia, Bel Harissa ou le Mahia, Bel Nassim Koli ou le Woulou Aïlia. Je chanterai toujours la musique orientale et pour m'arrêter, Mazel Al-Han. Depuis l'âge de 10 ans, c'était déjà pas mal que je chante, et c'est bien normal. En Algérie, le pays où je suis né, tous les grands jours, les Almounés, j'ai fait Sassi, ou l'idée l'a passé, ou Saoud de Loire à Mitzani. جوشت عمري مع ولاد القصبة الله يرحم الحاج العمقى Je chanterai toujours la musique orientale Et pour m'arrêter, mazal l'hal Depuis l'âge de 10 ans Ce n'est déjà pas mal Que je chante et c'est bien normal En Algérie, le pays où je suis né Je chanterai toujours la musique orientale. Un personatge que va emigrar a França quan el seu país en va esdevenir independent als anys 50, era una estrella allà, i després, llargament oblidat fins als anys 90, quan va fer una tornada amb una sèrie de realitzacions en compacte, el GLG, aquest que escoltem, Tresors de la cançó, judeo-àrab i d'altres, també un enregistrament en directe que el van tornar a popularitzar. Hem escoltat aquest tema, a tota hora cantaria la música oriental. En Lini Bonig, amb aquest tema hem començat. La nostra primera protagonista en el dia d'avui és la cantant Maite Nadumenak. Així va néixer el 5 d'octubre de 1939 aquesta cantant i actriu francesa anomenada Marie Laforêt. Lorsque nous étions encore enfants sur le chemin de Bruyère tout le long de la rivière on cueillait la mirabelle sous le nez des tourterelles on donne dit bon Boris et moi Rebecca pour la Johanna et moi Le dimanche pour aller danser On mettait tous nos souliers Dans le même panier Et pour pas les abîmer On allait tout bas à pied Anton, Yvon, Boris et moi Rebecca, Paula, Johanna et moi Anton, Yvon, Boris et moi Rebecca, Paula, Johanna et moi Ça compliquait bien un peu la vie Trois garçons pour quatre filles On était tous amoureux Toi de moi et moi de lui L'une hier, l'autre aujourd'hui Anton, Yvon, toi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Dire qu'au moment de se marier, on est tous allés chercher ailleurs ce que l'on avait à portée de notre main. On a quitté les copains, Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Aujourd'hui, chaque fois qu'on s'écrit, c'est qu'il nous vient un enfant. Le monde a beau être grand, c'est à peine s'il contient nos enfants et leurs parrains. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi. Il a neigé sur Yesterday, le soir où ils se sont quittés. Le brouillard sur la mer s'est endormi. Jude habite seul, un cottage à Chelsea. John et Paul, je crois, sont les seuls à qui elle est écrite. Le vieux sergent Pepper a perdu ses médailles au dernier. Le soir où ils nous ont quittés, Penny Lane aujourd'hui a deux enfants, mais il pleut sur l'île de White au printemps. Eleana Rigby, vos quatre musiciens viennent séparément vous voir quand ils passent à Dublin. De Michel, la belle des années tendres, de ces mots qui vont si bien ensemble, si bien ensemble. Il a neigé sur Yesterday, le soir où ils se sont quittés. Penny Lane, c'est déjà loin maintenant, mais jamais. Cette année-là, même en été, en cueillant ses fleurs, Lady Madonna a tremblé, mais ce n'était pas de moi. Il a neigé sur Yesterday. Cette année-là, même en été, en cueillant ses fleurs, Lady Madonna a tremblé, mais ce n'était pas de moi. Ensemble, nous les referons ensemble demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur.

Ho farà al costat d'Areski amb la seva música. Areski Belkacem, nascut el 1940 també, però a Versalles. Per tant, la seva música avui ens acompanyarà durant uns minuts també a través del nostre espai. Si voleu, acompanyeu-me amb el seu món que sona d'aquesta manera. Sur le chemin, c'était la reine jaune aux quatre mains, c'était un éléphant avec sa cour, c'était un poisson d'or dans une tour, c'était le matin ma mère, le repas des dromadaires, il y avait des œufs dans les paniers. Il y avait du grain dans les greniers, il y avait des fous en liberté, qui portaient des rubans de soie brodés. Il y avait des grands-mères qui commettaient l'adultère. Il y avait des œufs dans les paniers, il y avait du grain dans les greniers. Accompagne-moi, et les messieurs ne valent rien de l'aimer. du berger, mais je l'ai décidé dans mon jardin. Venant de loin, sans compter chaque fois où l'on ne se sent rien, personne ne le voit. J'en avais pas cueilli trois bras, j'en avais pas cueilli trois bras. À parler comme ça, à sentir tout de toi, la mort nous fait le vent, sachant qu'elle n'aura jamais mon dernier mot. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin. Je suis venu de loin, je suis venu te voir. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot. Ciel de satin, petit sapin. Miel de jardin. Mon adresse. un homme, il pleurait, il riait à tomber. Quand il était voyant, il était très délicat. Quand il était bête, il était bête. Personne n'est parfait. Il le savait lentement, encore plus que lorsqu'il en était sûr. La música diferent de Brigitte Fontaine sempre ens sorprèn i sempre ens acosta amb els seus temes, en aquest cas amb la companyia d'Areski, aquest disc que us fèiem escoltar avui amb el nostre programa des del 1977. William Scheller serà el proper protagonista. Això és Hola la Music, el programa de música francesa a la teva emissora. Vers la presqu'île, des barques qui s'en vont le soir, vers où nous ne serons jamais allés. Les adieux difficiles de ceux qu'on ne va jamais revoir laissent tant de choses à oublier. Tu ne m'as pas dit de te suivre et là je suis d'accord. Il y a tellement de choses à voir dans ton sourire quand tu dors. J'ai le souvenir d'un grand bateau blanc sur la mer de ton corps. Mais je ne pense pas que j'étais fait pour vivre à son bord. Un personatge que també ens acompanya avui, estem escoltant cançons de diferents artistes, nascut el 1946 a París, cantant, pianista i compositor, i molt conegut amb una de les seves fantàstiques cançons que també en el programa d'avui anirem escoltant i repassant. La música de William Scheller, així es fa dir, doncs ens porta peces com aquesta des del 2014. Música. quelque occasion furtive mène ta voile vers d'autres rives. Et même si l'amour t'emporte au dehors, je me gênerai pas pour dire que je t'aime encore. Que je t'aime d'abord. Les petits jours, les rues tranquilles. Je te prêtais mon chapeau quand il pleuvait trop fort. Je me gênerais pas pour dire que je t'aime encore. Que je t'aime d'abord. Que je t'aime encore. Qui s'active, attirer la rétrospective de nos séparations de corps à corps. Je me gênerai pas pour dire que je t'aime encore. Que je t'aime d'abord. Quand on partage à la brume.

façon cruelle l'amour éternel. Is good Jay to my morning slow. J'ai vendu quenouille, j'ai vendu rouet. Mon amour aura son épée d'acier, et s'il faut mendier, música de la Claire Pelletier. Ens ha arribat fins al final del nostre programa, en què Marie Lafourette, Areski, amb Brigitte Fontaine, William Chalaret i la Claire, doncs, han estat les protagonistes del programa del dia d'avui. Amb una darrera peça, amb una darrera i curta peça de la Claire, doncs us deixem fins una propera edició de Hola la música, la música en francès a la vostra emissora. A reveure. Sans l'oublier, on peut fuir ce qu'on aime, on peut bannir son nom de ses discours et de l'absence implorant le secours, se dérober à ce maître suprême. Jour, j'ai vu naître et finir. Je la retrouve.